Thérèse Raquin, chapitre 4. Un jour sur sept, le jeudi soir, la famille Raquin recevait. On allumait une grande lampe dans la salle à manger et l'on mettait une bouilloire d'eau au feu pour faire du thé. C'est toute une grosse histoire. Cette soirée-là tranchait sur les autres. Elle avait passé dans les habitudes de la famille comme une orgie bourgeoise d'une gaieté folle. On se couchait à 11h. Madame Raquin retrouva à Paris un de ses vieux amis, le commissaire de police Michaud, qui avait exercé à Vernon pendant 20 ans, logé dans la même maison que la Mercière. Une étroite intimité s'était ainsi établie entre eux. Puis, lorsque la veuve avait vendu son fonds pour aller habiter de la maison du bord de l'eau, ils s'étaient peu à peu perdus de vue. Michaud quitta la province quelques mois plus tard et vint manger paisiblement à Paris, rue de Seine, les 1500 francs de sa retraite. Un jour de pluie, il rencontra sa vieille amie dans le passage du Pont-Neuf. Le soir même, il dînait chez les Raquin. Ainsi furent fondées les réceptions du jeudi. L'ancien commissaire de police prit l'habitude de venir ponctuellement une fois par semaine. Il finit par amener son fils Olivier, un grand garçon de 30 ans, sec et maigre, qui avait épousé une toute petite femme, lente et maladive. Olivier occupait à la préfecture de police un emploi de 3 000 francs dont Camille se montrait singulièrement jaloux. Il était commis principal dans le bureau de la police d'ordre et de sûreté. Dès le premier jour, Thérèse détesta ce garçon roi d'effroi qui croyait honorer la boutique du passage en y promenant la sécheresse de son grand corps et les défaillances de sa pauvre petite femme. Camille introduisit un autre invité, un vieil employé du chemin de fer d'Orléans. Grivet avait 20 ans de service. Il était premier commis et gagnait 2 100 francs. C'est lui qui distribuait la besogne aux employés du bureau de Camille. Et celui-ci témoignait un certain respect. Dans ses rêves, il se disait que Grivet mourrait un jour, qu'il le remplacerait peut-être au bout d'une dizaine d'années. Grivet fut enchanté de l'accueil de Madame Raquin. Il revint chaque semaine avec une régularité parfaite. 6 mois plus tard, sa visite du jeudi était devenue pour lui un devoir. Il allait au passage du Pont-Neuf, comme il se rendait chaque matin à son bureau, mécaniquement, par un instinct de brute. Dès lors, les réunions devinrent charmantes. À 7h, Madame Raquin allumait le feu, mettait la lampe au milieu de la table, posait un jeu de dominos à côté, essuyait le service à thé qui se trouvait sur le buffet. À 8h précise, le vieux Michaud et Grivet se rencontraient devant la boutique, venant l'un de la rue de la Seine, l'autre de la rue Mazarine. Ils entraient et toute la famille montait au premier étage. On s'asseyait autour de la table. On attendait Olivier Michaud et sa femme, qui arrivaient toujours en retard. Quand la réunion se trouvait au complet, Madame Raquin versait le thé. Camille vidait la boîte de dominos sur la toile cirée. Chacun s'enfonçait dans son jeu. On n'entendait plus que le cliquetis des dominos. Après chaque partie, les joueurs se querellaient pendant 2 ou 3 minutes, puis le silence retombait, morne, coupé de bruit sec. Thérèse jouait avec une indifférence qui irritait Camille. Elle prenait sur elle François, le gros chat tigré que Madame Raquin avait apporté de Vernon. Elle le caressait d'une main, tandis qu'elle posait les dominos de l'autre. Les soirs du jeudi étaient un supplice pour elle. Souvent, elle se plaignait d'un malaise, d'une forte migraine, afin de ne pas jouer, de rester là, oisive, à moitié endormie. Un coude sur la table, la joue appuyée sur la paume de la main, elle regardait les invités de sa tante et de son mari. Elle les voyait à travers une sorte de brouillard jaune et fumeux qui sortait de la lampe. Toutes ces têtes-là l'exaspéraient. Elle allait de l'une à l'autre avec des dégoûts profonds, des irritations sourdes. Le vieux Michaud étalait une face blafarde, tachée de plaques rouges. Une de ces faces mortes de vieillard tombées en enfance. Grivet avait le masque étroit, les yeux ronds, les lèvres minces d'un crétin. Olivier, dont les os perçaient les joues, portait gravement sur un corps ridicule une tête roide et insignifiante. Quant à Suzanne, la femme d'Olivier, elle était toute pâle, les yeux vagues, les lèvres blanches, le visage mou. Et Thérèse ne trouvait pas un homme, pas un être vivant parmi ces créatures grotesques et sinistres avec lesquelles elle était enfermée. Parfois, des hallucinations la prenaient. Elle se croyait enfouie au fond d'un caveau, en compagnie de cadavres mécaniques, remuant la tête, agitant les jambes et les bras lorsqu'on tirait des ficelles. L'air épais de la salle à manger l'étouffait. Le silence frissonnant, les lueurs jaunâtres de la lampe la pénétraient d'un vague effroi, d'une angoisse inexprimable. On avait posé en bas, à la porte du magasin, une sonnette dont le tintement aigu annonçait l'arrivée des clientes. Thérèse tendait l'oreille. Lorsque la sonnette se faisait entendre, elle descendait rapidement, soulagée, heureuse de quitter la salle à manger. Elle servait la pratique avec lenteur. Quand elle se trouvait seule, elle s'asseyait derrière le comptoir. Elle demeurait là le plus possible, redoutant de remonter, goûtant une véritable joie à ne plus avoir Grivet et Olivier devant les yeux. L'air humide de la boutique calmait la fièvre qui brûlait ses mains. Et elle retombait dans cette rêverie grave qui lui était ordinaire. Mais elle ne pouvait rester longtemps ainsi. Camille se fâchait de son absence. Il ne comprenait pas qu'on pût préférer la boutique à la salle à manger le jeudi soir. Alors, il se penchait sur la rampe, cherchait sa femme du regard. « Eh bien, criait-il, que fais-tu donc là? Pourquoi ne montes-tu pas ?»« Grivet a une chance du diable. Il vient encore de gagner. » La jeune femme se levait péniblement et venait reprendre sa place en face du vieux Michaud, dont les lèvres pendantes avaient des sourires écœurants. Et jusqu'à 11 heures, elle demeurait affaissée sur sa chaise, regardant François qu'elle tenait dans ses bras pour ne pas voir les poupées de carton qui grimaçaient autour d'elle. Thérèse Raquin, chapitre 5. Un jeudi, en revenant de son bureau, Camille amena avec lui un grand gaillard, carré d'épaules, qu'il poussa dans la boutique d'un geste familier. « Mère, demanda-t-il à Madame Raquin en le lui montrant. « Reconnais-tu ce monsieur-là ?» La vieille mercière regarda le grand gaillard, chercha dans ses souvenirs et ne trouva rien. Thérèse suivait cette scène d'un air placide. « Comment ?» reprit Camille. « Tu ne reconnais pas Laurent, le petit Laurent ?» le fils du père Laurent, qui a de si beaux champs de blé du côté de Jeufosse. Tu ne te rappelles pas ? J'allais à l'école avec lui. Il venait me chercher le matin en sortant de chez son oncle, qui était notre voisin, et tu lui donnais des tartines de confiture. Madame Raquin se souvint brusquement du petit Laurent, qu'elle trouva singulièrement grandi. Il y avait bien 20 ans qu'elle ne l'avait vu. Elle voulut lui faire oublier son accueil étonné par un flot de souvenirs, par des cajoleries toutes maternelles. Laurent s'était assis. Il souriait paisiblement. Il répondait d'une voix claire. Il promenait autour de lui des regards calmes et aisés. « Figurez-vous, dit Camille, que ce farceur-là est employé à la gare du chemin de fer d'Orléans depuis 18 mois et que nous ne nous sommes rencontrés et reconnus que ce soir. C'est si vaste, si important, cette administration. » Le jeune homme fit cette remarque en agrandissant les yeux, en pinçant les lèvres, tout fier d'être l'humble rouage d'une grosse machine. Il continua en secouant la tête. « Oh, mais lui, il se porte bien. Il a étudié. Il gagne déjà 1500 francs. Son père l'a mis au collège. Il a fait son droit et a appris la peinture. N'est-ce pas, Laurent ? Tu vas dîner avec nous ?»« Je veux bien. » répondit carrément Laurent. Il se débarrassa de son chapeau et s'installa dans la boutique. Madame Raquin courut à ses casseroles. Thérèse, qui n'avait pas encore prononcé une parole, regardait le nouveau venu. Elle n'avait jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le visage frais, l'étonnait. Elle contemplait avec une sorte d'admiration son front bas, planté d'une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d'une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses regards sur son cou. Ce cou était large et court, gras et puissant. Puis elle s'oublia à considérer les grosses mains qu'il tenait étalées sur ses genoux. Les doigts en étaient carrés. Le poing fermé devait être énorme et aurait pu assommer un bœuf. Laurent était un vrai fils de paysan, d'allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l'air tranquille et entêté. On sentait sous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout un corps d'une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l'examinait avec curiosité, allant de ses poings à sa face, éprouvant de petits frissons lorsque ses yeux rencontraient son cou de taureau. Camille étala ses volumes de Buffon et ses livraisons à 10 centimes, pour montrer à son ami qu'il travaillait, lui aussi. Puis, comme répondant à une question qu'il s'adressait depuis quelques instants, « Mais, dit-il à Laurent, tu dois connaître ma femme. Tu ne te rappelles pas cette petite cousine qui jouait avec nous, à Vernon ?»« J'ai parfaitement reconnu madame, » répondit Laurent en regardant Thérèse en face. Sous ce regard droit qui semblait pénétrer en elle, la jeune femme éprouva une sorte de malaise. Elle eut un sourire forcé et échangea quelques mots avec Laurent et son mari. Puis elle se hâta d'aller rejoindre sa tante. Elle souffrait. On se mit à table. Dès le potage, Camille crut devoir s'occuper de son amie. « Comment va ton père ?» lui demanda-t-il. « Mais je ne sais pas, » répondit Laurent. « Nous sommes brouillés. Il y a 5 ans que nous ne nous écrivons plus. »« Bah !» s'écria l'employé, étonné d'une pareille monstruosité. Oui, le cher homme a des idées à lui. Comme il est continuellement en procès avec ses voisins, il m'a mis au collège, rêvant de trouver plus tard en moi un avocat qui lui gagnerait toutes ses causes. Oh, le père Laurent n'a que des ambitions utiles. Il veut tirer parti même de ses folies. Et tu n'as pas voulu être avocat ? Dit Camille, de plus en plus étonné. Ma foi, non, reprit son ami en riant. Pendant 2 ans, j'ai fait semblant de suivre les cours, afin de toucher la pension de 1200 francs que mon père me servait. Je vivais avec un de mes camarades de collège, qui est peintre, et je m'étais mis à faire aussi de la peinture. Cela m'amusait. Le métier est drôle, pas fatigant. Nous fumions, nous blaguions tout le jour. La famille Raquin ouvrait des yeux énormes. Par malheur, continua Laurent, cela ne pouvait durer. Le père a su que je lui contais des mensonges. Il m'a retranché net mes 100 francs par mois, en m'invitant à venir piocher la terre avec lui. J'ai essayé alors de peindre des tableaux de sainteté. Mauvais commerce. Comme j'ai vu clairement que j'allais mourir de faim, j'ai envoyé l'art à tous les diables et j'ai cherché un emploi. Le père mourra bien un de ces jours. J'attends ça pour vivre sans rien faire. Laurent parlait d'une voix tranquille. Il venait en quelques mots de conter une histoire caractéristique qui le peignait en entier. Au fond, c'était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables. Ce grand corps puissant ne demandait qu'à rien faire, qu'à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une fatigue quelconque. La profession d'avocat l'avait épouvanté et il frissonnait à l'idée de piocher la terre. Il s'était jeté dans l'art, espérant y trouver un métier de paresseux. Le pinceau lui semblait un instrument léger à manier. Puis il croyait le succès facile. Il rêvait une vie de volupté à bon marché, une belle vie pleine de femmes, de repos sur des divans, de mangeailles et de souleries. Le rêve dura tant que le père Laurent envoya des écus. Mais lorsque le jeune homme, qui avait déjà 30 ans, vit la misère à l'horizon, il se mit à réfléchir. Il se sentait lâche devant les privations. Il n'aurait pas accepté une journée sans pain pour la plus grande gloire de l'art. Comme il le disait, il envoya la peinture au diable. Le jour où il s'aperçut qu'elle ne contenterait jamais ses larges appétits. Ses premiers essais étaient restés au-dessous de la médiocrité. Son œil de paysan voyait gauchement et salement la nature. Ses toiles, boueuses, mal bâties, grimaçantes, défiaient toute critique. D'ailleurs, il ne paraissait point trop vaniteux comme artiste. Il ne se désespéra pas outre mesure lorsqu'il lui fallut jeter les pinceaux. Il ne regretta réellement que l'atelier de son camarade de collège. Ce vaste atelier dans lequel il s'était voluptueusement vautré pendant 4 ou 5 ans. Il regretta encore les femmes qui venaient poser et dont les caprices étaient à la portée de sa bourse. Ce monde de jouissance brutale lui laissa de cuisants besoins de chair. Il se trouva cependant à l'aise dans son métier d'employé. Il vivait très bien en brut. Il aimait cette besogne au jour le jour, qui ne le fatiguait pas et qui endormait son esprit. 2 choses l'irritaient seulement. Il manquait de femmes et la nourriture des restaurants à 18 sous n'apaisait pas les appétits gloutons de son estomac. Camille écoutait, le regardait avec un étonnement de niais. Ce garçon débile, dont le corps mou et affaissé n'avait jamais eu une secousse de désir, rêvait puérilement cette vie d'atelier dont son ami lui parlait. Il songeait à ces femmes qui étalent leur peau nue. Il questionna Laurent. « Alors, lui dit-il, il y a eu comme ça des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi ?»« Mais oui !» répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse, qui était devenue très pâle. « Ça doit vous faire un singulier effet, » reprit Camille, avec un rire d'enfant. « Moi, je serais gêné. La première fois, tu as dû rester tout bête. » Laurent avait élargi une de ses grosses mains, dont il regardait attentivement la paume. Ses doigts eurent de légers frémissements. Des lueurs rouges montèrent à ses joues. « La première fois, » reprit-il comme se parlant à lui-même, « je crois que j'ai trouvé ça naturel. C'est bien amusant, ce diable d'art. Seulement, ça ne rapporte pas un sou. J'ai eu pour modèle une rousse qui était adorable, des chairs fermes, éclatante, une poitrine superbe, des hanches d'une largeur. » Laurent leva la tête et vit Thérèse devant lui, muette, immobile. La jeune femme le regardait avec une fixité ardente. Ses yeux, d'un noir mat, semblaient deux trous sans fond. Et par ses lèvres entr'ouvertes, on apercevait des clartés roses dans sa bouche. Elle était comme écrasée, ramassée sur elle-même. Elle écoutait. Les regards de Laurent allèrent de Thérèse à Camille. L'ancien peintre retint un sourire. Il acheva sa phrase du geste, un geste large et voluptueux, que la jeune femme suivit du regard. On était au dessert. Et Madame Raquin venait de descendre pour servir une cliente. Quand la nappe fut retirée, Laurent, songeur depuis quelques minutes, s'adressa brusquement à Camille. « Tu sais, lui dit-il, il faut que je fasse ton portrait. » Cette idée enchanta Madame Raquin et son fils. Thérèse resta silencieuse. « Nous sommes en été, » reprit Laurent, « et comme nous sortons du bureau à 4 heures, je pourrais venir ici et te faire poser pendant 2 heures, le soir. Ce sera l'affaire de 8 jours. »« C'est cela, » répondit Camille, « rouge de joie. Tu dîneras avec nous. Je me ferai friser et je mettrai ma redingote noire. » 8 heures sonnaient. Grivet et Michaud firent leur entrée. Olivier et Suzanne arrivèrent derrière eux. Camille présenta son ami à la société. Grivet pinça les lèvres. Il détestait Laurent, dont les appointements avaient monté trop vite, selon lui. D'ailleurs, c'était toute une affaire que l'introduction d'un nouvel invité. Les hôtes des Raquins ne pouvaient recevoir un inconnu sans quelque froideur. Laurent se comporta en bon enfant. Il comprit la situation. Il voulut plaire, se faire accepter d'un coup. Il raconta des histoires, égayant la soirée par son gros rire, et gagna l'amitié de Grivet lui-même. Thérèse, ce soir-là, ne chercha pas à descendre à la boutique. Elle resta jusqu'à 11 heures sur sa chaise, jouant et causant, évitant de rencontrer les regards de Laurent, qui d'ailleurs ne s'occupait pas d'elle. La nature sanguine de ce garçon, sa voix pleine, ses rires gras, les senteurs âcres et puissantes qui s'échappaient de sa personne, troublaient la jeune femme et la jetaient dans une sorte d'angoisse nerveuse. Thérèse Raquin, chapitre 6. Laurent, à partir de ce jour, revint presque chaque soir chez les Raquin. Il habitait rue Saint-Victor, en face du port au vin. Un petit cabinet meublé qu'il payait 18 francs par mois. Ce cabinet, mansardé, troué en haut d'une fenêtre à tabatière, qui s'entrebâillait étroitement sur le ciel, avait à peine 6 mètres carrés. Laurent rentrait le plus tard possible dans ce galetas, avant de rencontrer Camille. Comme il n'avait pas d'argent pour aller traîner sur les banquettes des cafés, il s'attardait dans la crèmerie où il dînait le soir. Il fumait des pipes en prenant un Gloria qui lui coûtait 3 sous. Puis il regagnait doucement la rue Saint-Victor, flânant le long des quais, s'asseyant sur les bancs quand l'air était tiède. La boutique du passage du Pont-Neuf devint pour lui une retraite charmante, chaude, pleine de paroles et d'attentions amicales. Il épargna 3 sous de son Gloria et but en gourmand l'excellent thé de Madame Raquin. Jusqu'à 10 heures, il restait là, assoupi, digérant, se croyant chez lui. Il ne partait qu'après avoir aidé Camille à fermer la boutique. Un soir, il apporta son chevalet et sa boîte à couleurs. Il devait commencer le lendemain le portrait de Camille. On acheta une toile, on fit des préparatifs minutieux. Enfin, l'artiste se mit à l'œuvre, dans la chambre même des époux. Le jour, disait-il, y était plus clair. Il lui fallut 3 soirées pour dessiner la tête. Il traînait avec soin le fusain sur la toile, à petits coups. Maigrement. Son dessin, roide et sec, rappelait d'une façon grotesque celui des maîtres primitifs. Il copia la face de Camille comme un élève copie une académie, d'une main hésitante, avec une exactitude gauche qui donnait à la figure un air renfrogné. Le 4e jour, il mit sur sa palette de tout petits tas de couleurs et il commença à peindre du bout des pinceaux. Il pointillait la toile de minces taches sales. Il faisait des hachures courtes et serrées, comme s'il se fût servi d'un crayon. À la fin de chaque séance, Madame Raquin et Camille s'extasiaient. Laurent disait qu'il fallait attendre, que la ressemblance allait venir. Depuis que le portrait était commencé, Thérèse ne quittait plus la chambre changée en atelier. Elle laissait sa tante seule derrière le comptoir. Pour le moindre prétexte, elle montait et s'oubliait à regarder peindre Laurent. Grave toujours, oppressée, plus pâle et plus muette, elle s'asseyait et suivait le travail des pinceaux. Ce spectacle ne paraissait cependant pas l'amuser beaucoup. Elle venait à cette place comme attirée par une force, et elle y restait, comme clouée. Laurent se retournait parfois, lui souriait, lui demandait si le portrait lui plaisait. Elle répondait à peine, frissonnait, puis reprenait son extase recueillie. Laurent, en revenant le soir de la rue Saint-Victor, se faisait de longs raisonnements. Il discutait avec lui-même s'il devait ou non devenir l'amant de Thérèse. « Voilà une petite femme, se disait-il, qui sera ma maîtresse quand je le voudrai. Elle est toujours là, sur mon dos, à m'examiner, à me mesurer, à me peser. » Elle tremble, elle a une figure toute drôle, muette et passionnée. À coup sûr, elle a besoin d'un amant. Cela se voit dans ses yeux. Il faut dire que Camille est un pauvre sire. Laurent riait en dedans. au souvenir des maigreurs blafardes de son ami. Puis il continuait. Elle s'ennuie dans cette boutique. Moi, j'y vais parce que je ne sais où aller. Sans cela, on ne me prendrait pas souvent au passage du Pont Neuf. C'est humide, triste. Une femme doit mourir là-bas. Je lui plais, j'en suis certain. Alors, pourquoi pas moi plutôt qu'un autre ? Il s'arrêtait. Il lui venait des fatuités. Il regardait couler la Seine d'un air absorbé. « Ma foi, tant pis !» s'écriait-il. « Je l'embrasse à la première occasion. Je parie qu'elle tombe tout de suite dans mes bras. » Il se remettait à marcher et des indécisions le prenaient. « Ce qu'elle est laide, après tout, pensait-il. Elle a le nez long, la bouche grande. Je ne l'aime pas du tout, d'ailleurs. Je vais peut-être m'attirer quelques mauvaises histoires. » Cela demande réflexion. Laurent, qui était très prudent, roula ses pensées dans sa tête pendant une grande semaine. Il calcula tous les incidents possibles d'une liaison avec Thérèse. Il se décida seulement à tenter l'aventure lorsqu'il se fut bien prouvé qu'il avait un réel intérêt à le faire. Pour lui, Thérèse, il est vrai, était laide. Et il ne l'aimait pas. Mais en somme, elle ne lui coûterait rien. Les femmes qu'il achetait à bas prix n'étaient certes ni plus belles ni plus aimées. L'économie lui conseillait déjà de prendre la femme de son ami. D'autre part, depuis longtemps, il n'avait pas contenté ses appétits. L'argent étant rare, il sevrait sa chair. Et il ne voulait point laisser échapper l'occasion de la repaître un peu. Enfin, une pareille liaison, en bien réfléchissant, ne pouvait avoir de mauvaise suite. Thérèse aurait intérêt à tout cacher. Il la planterait là aisément quand il voudrait. En admettant même que Camille découvrit tout et se fâcha, il l'assommerait d'un coup de poing s'il faisait le méchant. La question de tous les côtés se présentait à Laurent facile et engageante. Dès lors, il vécut dans une douce quiétude, attendant l'heure. À la première occasion, il était décidé à agir carrément. Il voyait, dans l'avenir, des soirées tièdes. Tous les raquins travailleraient à ses jouissances. Thérèse apaiserait les brûlures de son sang. Madame Raquin le cajolerait comme une mère. Camille, en causant avec lui, l'empêcherait de trop s'ennuyer le soir dans la boutique. Le portrait s'achevait. Les occasions ne se présentaient pas. Thérèse restait toujours là, accablée et anxieuse. Mais Camille ne quittait point la chambre, et Laurent se désolait de ne pouvoir l'éloigner pour une heure. Il lui fallut pourtant déclarer un jour qu'il terminerait le portrait le lendemain. Madame Raquin annonça qu'on dînerait ensemble et qu'on fêterait l'œuvre du peintre. Le lendemain, lorsque Laurent eut donné à la toile le dernier coup de pinceau, toute la famille se réunit pour crier à la ressemblance. Le portrait était ignoble, d'un gris sale, avec de larges plaques violacées. Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les rendre ternes et boueuses. Il avait malgré lui exagéré les teintes blafardes de son modèle et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d'un noyer. Le dessin grimaçant convulsionnait les traits, rendant la sinistre ressemblance plus frappante. Mais Camille était enchanté. Il disait que sur la toile, il avait un air distingué. Quand il eut bien admiré sa figure, il déclara qu'il allait chercher deux bouteilles de vin de champagne. Madame Raquin redescendit à la boutique. L'artiste resta seul avec Thérèse. La jeune femme était demeurée accroupie, regardant vaguement devant elle. Elle semblait attendre en frémissant. Laurent hésita. Il examinait sa toile. Il jouait avec ses pinceaux. Le temps pressait. Camille pouvait revenir. L'occasion ne se représenterait peut-être plus. Brusquement, le peintre se tourna et se trouva face à face avec Thérèse. Ils se contemplèrent pendant quelques secondes. Puis, d'un mouvement violent, Laurent se baissa et prit la jeune femme contre sa poitrine. Il lui renversa la tête, lui écrasant les lèvres sous les siennes. Elle eut un mouvement de révolte, sauvage, emporté, et tout d'un coup, elle s'abandonna, glissant par terre, sur le carreau. Ils n'échangèrent pas une seule parole. L'acte fut silencieux et brutal.